Chapitre 5e, sur le quai de Douarnenez. Le même jour, dans l'après-midi, on savait à Audierne, à Pontcroix, à Douarnenez, que parmi les naufrages signalés aux environs du Radessin, à la suite de la dernière tempête, se trouvait celui d'un 3 mois dont on ignorait la nationalité et le port d'attache, mais qu'on croyait, à quelques lambeaux de pavillon et de mâture ramassés sur la grève, avoir vu au mouillage de Douarnenez. C'est le 3 mâts du capitaine Guttorm, le Norvégien. Répété à Mons sur le quai de cette dernière ville, au milieu d'un groupe de patrons de bateaux caboteurs et de gros poissonniers. Je le lui avais bien dit, le grain menace, il va en fusiller dans le suroi, ne sortez pas. Ah oui, c'est pour Lingueur du Nord, ça n'écoute rien. En attendant, me voilà avec une perte de 2000 livres et mes barils de sardines sur les bras. 2000 livres, aïeul, c'est un beau denier, fit un patron. Comment laissiez-vous une pareille somme à un étranger? Demanda un autre. J'avais confiance. Il était convenu qu'il le réglerait à son retour de Concarneau. Car on revient de Concarneau, pauvre Hamon. Si cela continue, tu finiras comme un Clasquer. Un mendiant. Bon, le voilà qui chante déjà misère, exclama un poissonnier en riant. Vieux Crésus, va, ajouta-t-il en lui donnant une bourrade sur l'épaule. Crésus, moi, dit Hamon, se récriant. Eh oui, je parie 10 bouteilles à boire demain à la Croix-Blanche, qu'en admettant la perte que tu nous accuses, il te reste autant d'écus que nous en possédons tous ensemble. C'est tenu, dirent en chœur les patrons et les poissonniers du groupe. Allons, vous êtes fous, fit Hamon irrité et en leur tournant le dos. D'ailleurs, poursuivit le poissonnier sur le même ton, qui t'assure que c'est de ton Norvégien qu'il s'agit? Qui? Répartit Hamon, s'efforçant de dissimuler le contentement intérieur qu'il éprouvait sous un masque de circonstances. Les gens d'Audierne, ceux de Pontcroix, que vous avez pu entendre comme moi il y a un instant. Les gens d'Audierne savent qu'un 3 mois s'éperdura, mais ils ignorent si c'est un Norvégien ou un Breton. C'est un Norvégien, soupira Hamon avec une douleur feinte. Et mieux vaut que ce soit un Norvégien qu'un Breton, répliqua le poissonnier. On voit bien que tu n'es pas intéressé à la chose. Intéressé ou non, mes compatriotes avant les étrangers. Attendez donc, ne vous désespérez pas, fit un patron mettant sa main droite au-dessus de ses yeux et regardant à l'ouest. Que vous semble de ce 3 mâts qui s'avance là-bas? Où? Demanda vivement Hamon. Au large, dans la direction de la base vieille. Distinguez-vous son pavillon? Le groupe quitta le quai et s'avança jusqu'à l'extrémité de la première jetée. Hamon était ému et ouvrait de grands yeux sur la voile signalée. Pour sûr, ce n'est pas un Finistérien, dit un patron après l'avoir examiné une minute. Ni un Nantais, ni un Bordelais, fit un autre. C'est le Norvégien, s'écria brusquement un troisième. Impossible, dit Hamon avec un sourire couleur de farine. C'est lui ou le diable me brûle. Ne le reconnaissez-vous pas à son pavillon qui flotte à son perroquet, à sa voile de misaine faite de pièces et de morceaux de toutes les couleurs et de toutes les grandeurs? Par Saint-Corentin, il a raison, c'est lui, appuya un poissonnier en s'avançant de quelques pas. Le 3 mâts n'était plus qu'à 1 mille, et ceux qui avaient bonne vue pouvaient déjà compter le nombre de matelots qui se pamoyaient sur ses vergnes ou qui grimpaient dans ses haubans. Si c'est le Norvégien, murmura mon plus mort que vif, et se soutenant à peine, quel est le navire qui s'est perdu au ras? À cet instant, un mouvement se fit au débouché du quai, et un matelot n'ayant pour tout vêtement qu'une chemise et de larges culottes de toile, la poitrine découverte, la tête meurtrie, les jambes, les bras déchirés, tombant de fatigue et de besoin, s'avança, suivi d'une 100aine d'hommes du port. « Maître, » s'écria-t-il, dès qu'il vit le poissonnier, et laissant éclater une vive douleur. « C'est toi, Éloi ? » dit Hamon d'une voix saccadée. « Que signifie ? D'où viens-tu en cet équipage ? Où est le Saint-Mathieu ? Perdu ! Perdu hier au soir, maître, pendant la tempête, devant l'enfer ! Les naufrageurs de Plogoff avaient allumé sur la côte des feux qui nous ont trompés. Le sous-roi fait le reste et nous a brisés sur les écueils. « Les naufrageurs !» répéta Hamon, le regard stupide. « Les forbans nous attendaient, blottis dans leurs rochers et armés de piques avec lesquels ils nous assassinaient et nous repoussaient dans la mer lorsque nous approchions du bord, lorsque nous les conjurions de nous secourir. C'est par miracle, et avec l'aide de Dieu et de la Sainte Vierge, que j'ai pu gagner la baie des Trépassés, d'où, à la faveur de l'obscurité, je me suis sauvé à Cléden et de Cléden à Douarnenez. » « Perdu, perdu, le Saint-Mathieu !» exclama Hamon, blêmissant et en serrant avec égarement le poignet du matelot. « De lui et de sa cargaison, il ne reste que ce que se partagent à cette heure les bandits de Plogoff. Quant à ceux qui le montaient, tous ont péri, excepté moi, » répondit Éloi, des larmes aux yeux. Hamon eut comme un étourdissement. Deux des patrons qui se trouvaient auprès de lui le soutinrent. Le Norvégien, car c'était bien lui, arrivé à son mouillage, carguait ses voiles et laissait tomber ses ancres. « Flauk !» hurla Hamon, apercevant le premier d'Aliette à la barre. « Doué au Benigo ! Dieu vous bénisse, maître Hamon !» cria du navire et d'un ton narquois le gars, tandis que le capitaine Guttorm montrait le poing au poissonnier avec une extraordinaire indignation et l'accablait d'un flot de ses injures énergiques, dont le vocabulaire salé des marins est si riche. Hamon, effaré, regarda successivement Éloi, Flog, Guttorm et ceux qui l'entouraient. Ses yeux s'injectèrent de sang. Il fut pris d'un hoquet rogue semblable à un râle, répéta plusieurs fois l'exclamation bretonne de douleur « Goa, Goa !» et s'affaissa sur lui-même. Une minute après, deux pêcheurs, accompagnés d'une partie des gens de la ville qui se trouvaient sur le quai et sur les jetées, le portaient chez lui.